Poil de carotte, la taupe. Poil de carotte trouve dans son chemin une taupe, noire comme un ramona. Quand il a bien joué avec, il se décide à la tuer. Il la lance en l'air plusieurs fois, adroitement, afin qu'elle puisse retomber sur une pierre. D'abord, tout va bien et rondement. Déjà, la taupe s'est brisée les pattes, fendu la tête, cassé le dos, et elle semble n'avoir pas la vie dure. Puis, stupéfait, Poil de carotte s'aperçoit qu'elle s'arrête de mourir. Il a beau la lancer assez haut pour couvrir une maison, jusqu'au ciel, ça n'avance plus. « Matin de matin !»« Elle n'est pas morte !» dit-il. En effet, sur la pierre tachée de sang, la taupe se pétrit. Son ventre, plein de graisse, tremble comme une gelée et, par ce tremblement, donne l'illusion de la vie. « Matin de matin !» crie Poil de carotte qui s'acharne. « Elle n'est pas encore morte !» Il la ramasse, l'injurie, et change de méthode. Rouge, les larmes aux yeux, il crache sur la taupe et la jette de toutes ses forces, à bout portant, contre la pierre. Mais le ventre informe bouge toujours. Et plus Poil de carotte enragé tape, moins la taupe lui paraît mourir.